offrez un an de chômage bien mérité. J'ai eu le temps d'apprendre ce que voulait dire glander. Oh non, je ne suis pourtant pas un gros peignant, mais seulement j'adore quand je peux prendre mon temps. Le truc c'est juste de donner l'impression d'être occupé pour pallier au langue stupide en venimé. Leur faire fermer leur gueule lorsqu'elles se mettent à déclarer. Oh, qu'est-ce que c'est ce jour? Toujours pas de boulot. Comment pourrais-je leur en vouloir? Je ne suis pas un cas isolé. J'ai seulement une énorme aversion à me justifier. En famille, entre amis, on peut en discuter. Musique, enfant, drogue, boulot, voyage sont les majeurs sujets. Je me souviens.